Audiomatique. Pour amorcer la transmission 458 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique de l'artiste nigérien Fela Ransom Kuti and His Africa 70. Rappelons que Fela Kuti est décédé en 1997 à l'âge de 58 ans. De son premier album, Fela, Fela, Fela, paru en 1970, nous entendions la pièce Witchcraft. Et Audiomatic se poursuit avec une pièce de la formation Can. Right. We'll be right back.

Audiomatique, cette séquence musicale de deux pièces se terminait sur la musique du pianiste Herbie Hancock, de qui nous écoutions la composition Actual Proof de son album Trust, paru en 1974. Et avant Herbie Hancock, nous entendions la formation Can avec une version de la pièce Spoon jouée en concert en 1972. Il est possible de retrouver cette version sur l'album intitulé The Lost Tapes, qui regroupe du matériel composé pour des trames sonores ainsi que des pièces inédites et enregistrées en concert entre 1968 et 1977. Quant à la version originale de la pièce Spoon, celle-ci se retrouve sur l'album Ege Bamiyasi. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le groupe new-yorkais Interpol. long or take it apart. Hold its beating heart. If you were really like this time we climb into your mind. See the orange glow, know that you know. You said the thought of leaving made you feel so strange. Made you feel like grieving for every little change, for every empty evening, every wasted day. If love was like a garden gate, swing it shut, come in late, we could walk on through. Like we never do. If life was like a tranquil pool, I'd dive in first just like a fool. Then I'd breathe in deep, cause life don't come so cheap. If you were really like you said, I'd put an arrow to your head. And I'd pull the string every time I sing. You said the thought of leaving made you feel so strange. Made you feel like grieving for every little change, for every empty evening, every wasted day. You said the thought of staying made you feel so odd. Made you feel like praying to every little god. Every film that's played, every lightning rod. Il s'agissait à Audiomatic du groupe anglais Ride, de son premier album intitulé Nowhere et lancé en 1990. Nous vous avons présenté la pièce Dreams Burn Down. Précédemment à Ride, c'était la collaboration entre Steve Kilby, bien sûr leader du groupe australien The Church, et Martin Kennedy, leader de la formation All India Radio. De leur album Unseen Music, Unheard Words, sorti en 2009, nous avons entendu la chanson Thought of Leaving. Tout juste avant, le groupe américain Unto Ashes nous offrait la pièce Estuans Interius de son premier album Moon Oppose Moon, paru en 1999. Et pour débuter ce bloc musical exceptionnellement de quatre pièces, nous avions droit à la formation new-yorkaise Interpol. De son mini-album A Fine Mess, sorti en 2019, nous écoutions sa composition Real Life. Les cinq chansons se retrouvant sur le mini-album A Fine Mess ont été enregistrées lors des sessions pour l'album Marauder. En conclusion de cette transmission 4-5-8 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de la formation américaine Black Rebel Motorcycle Club. De son troisième album Hall, sorti en 2005, nous écouterons la chanson-titre. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Black Rebel Motorcycle Club et la chanson Howl. C'était Audiomatic avec les sonoristes.